Hugues Jargal de Victor Hugo. Ceci est une lecture de Christophe pour audiocité.net. Chapitre 13. Je le voyais tous les jours à la même heure. Son affaire m'inquiétait. Malgré mes prières, mon oncle s'obstinait à le poursuivre. Je ne cachais pas mes craintes à Pierrot. Il m'écoutait avec indifférence. Souvent, Rask arrivait tandis que nous étions ensemble, portant une large feuille de palmier autour de son cou. Le noir la détachait, lisait des caractères inconnus qui y étaient tracés, puis la déchirait. J'étais habitué à ne pas lui faire de questions. Un jour, j'entrai sans qu'il parût prendre garde à moi. Il tournait le dos à la porte de son cachot et chantait d'un ton mélancolique l'air espagnol « Yo que soy contrabandista »« Moi qui suis contrebandier ». Quand il eut fini, il se tourna brusquement vers moi et me cria « Frère, promets, si jamais tu doutes de moi, d'écarter tous tes soupçons quand tu m'entendras chanter cet air ». Son regard était imposant. Je lui promis ce qu'il désirait sans trop savoir ce qu'il entendait par ces mots « si jamais tu doutes de moi ». Il prit l'écorce profonde de la noix qu'il avait cueillie le jour de ma première visite et conservée depuis, la remplit de vin de palmier, m'engagea à y porter les lèvres et la vida d'un trait. À compter de ce jour, il ne m'appela plus que son frère. Cependant, je commençais à concevoir quelque espérance. Mon oncle n'était plus aussi irrité. Les réjouissances de mon prochain mariage avec sa fille avaient tourné son esprit vers de plus douces idées. Marie suppliait « avec moi ». Je lui représentais chaque jour que Pierrot n'avait point voulu l'offenser, mais seulement l'empêcher de commettre un acte de sévérité peut-être excessive, que ce noir avait, par son audacieuse lutte avec le crocodile, préservé Marie d'une mort certaine, que nous lui devions, lui sa fille, moi ma fiancée, que, d'ailleurs, Pierrot était le plus vigoureux de ses esclaves, car je ne songeais plus à obtenir sa liberté. Il ne s'agissait que de sa vie, qu'il faisait à lui seul l'ouvrage de 10 autres, et qu'il suffisait de son bras pour mettre en mouvement les cylindres d'un moulin à sucre. Il m'écoutait et me faisait entendre qu'il ne donnerait peut-être pas suite à l'accusation. Je ne disais rien au noir du changement de mon oncle, voulant jouir du plaisir, de lui annoncer sa liberté tout entière si je l'obtenais. Ce qui m'étonnait, c'était de voir que, se croyant voué à la mort, il ne profitait d'aucun des moyens de fuir qui étaient en son pouvoir. Je lui en parlai. « Je dois rester, » me répondit-il froidement. « On penserait que j'ai peur. » Chapitre 14. Un matin, Marie vint à moi. Elle était rayonnante, et il y avait sur sa douce figure quelque chose de plus angélique encore que la joie d'un pur amour. C'était la pensée d'une bonne action. « Écoute, » me dit-elle, « c'est dans 3 jours le 22 août, et notre noce. Nous allons bientôt, » je l'interrompis. « Marie, ne dis pas bientôt, puisqu'il y a encore 3 jours. » Elle sourit et rougit. « Ne me trouble pas, Léopold, » reprit-elle. « Il m'est venu une idée qui te rendra content. Tu sais que je suis allé hier à la ville avec mon père pour acheter les parures de notre mariage. Ce n'est pas que je tienne à ces bijoux, à ces diamants, qui ne me rendront pas plus belle à tes yeux. Je donnerai toutes les perles du monde pour l'une de ces fleurs que m'a fanée le vilain homme au bouquet de soucis. Mais n'importe. Mon père veut me combler de toutes ces choses-là, et j'ai l'air d'en avoir envie pour lui faire plaisir. Il y avait hier une basquina de satin chinois à grandes fleurs, qui était enfermé dans un coffre de bois de senteur et que j'ai beaucoup regardé. Cela est bien cher, mais cela est bien singulier. Mon père a remarqué que cette robe frappait mon attention. En rentrant, je l'ai prié de me promettre l'octroi d'un don à la manière des anciens chevaliers. Tu sais qu'il aime qu'on le compare aux anciens chevaliers. Il m'a juré sur son honneur qu'il m'accorderait la chose que je lui demanderais, quelle qu'elle fût. Il croit que c'est la basquina de satin chinois. Point du tout. C'est la vie de Pierrot. Ce sera mon cadeau de noces. Je ne pus m'empêcher de serrer cet ange dans mes bras. La parole de mon oncle était sacrée. Et tandis que Marie allait près de lui en réclamer l'exécution, je courus au fort Galifet annoncer à Pierrot son salut, désormais certain. « Frère ! » lui criai-je en entrant. « Frère, réjouis-toi, ta vie est sauvée. Marie l'a demandé à son père pour son présent de noces. » L'esclave tressaillit. « Marie ? Noces ? Ma vie ? Comment tout cela peut-il aller ensemble ?»« Cela est tout simple, » repris-je. « Marie, à qui tu as sauvé la vie, se marie. »« Avec qui ? » s'écria l'esclave. Et son regard était égaré et terrible. « Ne le sais-tu pas ? » répondis-je doucement. « Avec moi ?» Son visage formidable redevint bienveillant et résigné. « Ah, c'est vrai, » me dit-il, « c'est avec toi. Et quel est le jour ? » ?»« C'est le 22 août. »« Le 22 août ? Es-tu fou ? » reprit-il avec une expression d'angoisse et d'effroi. Il s'arrêta. Je le regardais, étonné. Après un silence, il me serra vivement la main. « Frère, je te dois tant qu'il faut que ma bouche te donne un avis. Crois-moi. Va au cap et marie-toi avant le 22 août. » Je voulus en vain connaître le sens de ces paroles énigmatiques. « Adieu, » me dit-il avec solennité. « J'en ai peut-être déjà trop dit. Mais je hais encore plus l'ingratitude que le parjure. » Je le quittai plein d'indécisions et d'inquiétudes qui s'effacèrent cependant bientôt dans mes pensées de bonheur. Mon oncle retira sa plainte le jour même. Je retournai au fort pour en faire sortir Pierrot. Thaddée, le sachant libre, entra avec moi dans la prison. Il n'y était plus. Rask, qui s'y trouvait seul, vint à moi d'un air caressant. À son cou était attachée une feuille de palmier. Je la pris et j'y lus ces mots. « Merci, tu m'as sauvé la vie une troisième fois. Frère, n'oublie pas ta promesse. » Au-dessous était écrit, comme signature, les mots « Io che soy contrabandista ». Thaddée était encore plus étonné que moi. Il ignorait le secret du soupirail et s'imaginait que le nègre s'était changé en chien. Je lui laissai croire ce qu'il voulut, me contentant d'exiger de lui le silence sur ce qu'il avait vu. Je voulus emmener Rask. En sortant du fort, il s'enfonça dans des haies voisines et disparut. Chapitre 15. Mon oncle fut outré de l'évasion de l'esclave. Il ordonna des recherches et écrivit au gouverneur pour mettre Pierrot à son entière disposition si on le retrouvait. Le 22 août arriva. Mon union avec Marie fut célébrée avec pompe à la paroisse de Lacule. Quelle fut heureuse cette journée de laquelle allaient dater tous mes malheurs! J'étais enivré d'une joie qu'on ne saurait faire comprendre à qui ne l'a point éprouvée. J'avais complètement oublié Pierrot et ses sinistres avis. Le soir, bien impatiemment attendu, vint enfin. Ma jeune épouse se retira dans la chambre nuptiale, où je ne pus la suivre aussi vite que je l'aurais voulu. Un devoir fastidieux, mais indispensable, me réclamait auparavant. Mon office de capitaine des milices exigeait de moi ce soir-là une ronde au poste de la cule. Cette précaution était alors impérieusement commandée par les troubles de la colonie, par les révoltes partielles de Noirs qui, bien que promptement étouffées, avaient eu lieu au mois précédent de juin et de juillet, même au premier jour d'août, dans les habitations Thibault et la Gossette, et surtout par les mauvaises dispositions des mulâtres libres que le supplice récent du rebelle Auger n'avait fait qu'aigrir. Mon oncle fut le premier à me rappeler mon devoir. Il fallut me résigner. J'endossai mon uniforme et je partis. Je visitai les premières stations sans rencontrer de sujet d'inquiétude, mais, vers minuit, je me promenais en rêvant près des batteries de la baie quand j'aperçus à l'horizon une lueur rougeâtre s'élever et s'étendre du côté de Limonade et de Saint-Louis-du-Morin. Les soldats et moi l'attribuâmes d'abord à quelque incendie accidentel. Mais, un moment après, les flammes devinrent si apparentes, la fumée poussée par le vent grossit et s'épaissit à un tel point que je repris promptement le chemin du fort pour donner l'alarme et envoyer des secours. En passant près des cases de nos noirs, je fus surpris de l'agitation extraordinaire qui y régnait. La plupart étaient encore éveillés et parlaient avec la plus grande vivacité. Un nom bizarre, Buck Jargal, prononcé avec respect, revenait souvent au milieu de leur jargon inintelligible. Je saisis pourtant quelques paroles dont le sens me parut être que les Noirs de la plaine du Nord étaient en pleine révolte et livraient aux flammes les habitations et les plantations situées de l'autre côté du cap. En traversant un fond marécageux, je heurtai du pied un amas de haches et de pioches cachés dans les joncs et les mangliers. Justement inquiet, je fis sur-le-champ mettre sous les armes les milices de la cule et j'ordonnai de surveiller les esclaves. Tout rentra dans le calme. Cependant, les ravages semblaient croître à chaque instant et s'approcher du limbé. On croyait même distinguer le bruit lointain de l'artillerie et des fusillades. Vers les 2 heures du matin, mon oncle que j'avais éveillé, ne pouvant contenir son inquiétude, m'ordonna de laisser dans la cule une partie des milices sous les ordres du lieutenant et, pendant que ma pauvre Marie dormait ou m'attendait, obéissant à mon oncle qui était, comme je l'ai déjà dit, membre de l'Assemblée provinciale, je pris avec le reste des soldats le chemin du cap. Je n'oublierai jamais l'aspect de cette ville quand j'en approchais. Les flammes, qui dévoraient les plantations autour d'elle, y répandaient une sombre lumière, obscurcie par les torrents de fumée que le vent chassait dans les rues. Des tourbillons d'étincelles, formés par les menus débris embrasés des cannes à sucre, étaient emportés avec violence, comme une neige abondante, sur les toits des maisons et sur les agrès des vaisseaux mouillés dans la rade, menaçaient à chaque instant la ville du Cap d'un incendie non moins déplorable que celui dont ses environs étaient la proie. C'était un spectacle affreux et imposant que de voir d'un côté les pâles habitants exposant encore leur vie pour disputer au fléau terrible l'unique toit qui allait leur rester de tant de richesses, tandis que de l'autre les navires, redoutant le même sort, et favorisés du moins par ce vent si funeste, aux malheureux colons, s'éloignaient à pleine voile sur une mer teinte des feux sanglants de l'incendie. Chapitre 16. Étourdi par le canon des forts, les clameurs des fuyards et le fracas lointain des écroulements, je ne savais de quel côté diriger mes soldats quand je rencontrai sur la place d'armes le capitaine des dragons jaunes qui nous servit de guide. Je ne m'arrêterai pas, messieurs, à vous décrire le tableau que nous offrit la plaine incendiée. Assez d'autres ont dépeint ces premiers désastres du cap, et j'ai besoin de passer vite sur ces souvenirs où il y a du sang et du feu. Je me bornerai à vous dire que les esclaves rebelles étaient, disait-on, déjà maîtres du Dondon, du terrier rouge, du bourg d'Ouanaminthe et même des malheureuses plantations du Limbé, ce qui me remplissait d'inquiétude à cause du voisinage de la Cule. Je me rendis en hâte à l'hôtel du gouverneur, monsieur de Blanchelande. Tout y était dans la confusion, jusqu'à la tête du maître. Je lui demandai des ordres en le priant de songer le plus vite possible à la sûreté de la Cule que l'on croyait déjà menacée. Il y avait auprès de lui monsieur de Rouvray, maréchal de camp et l'un des principaux propriétaires de l'île, monsieur de Touzard, lieutenant-colonel du régiment du Cap, quelques membres des assemblées coloniales et provinciales et plusieurs des colons les plus notables. Au moment où je me présentais, cette espèce de conseil délibérait tumultueusement. « Monsieur le gouverneur, disait un membre de l'assemblée provinciale, cela n'est que trop vrai, ce sont les esclaves, et non les sans-mêlés libres, il y a longtemps que nous l'avions annoncé et prédit. « Vous le disiez sans y croire, » reprit aigrement un membre de l'assemblée coloniale appelé général. « Vous le disiez pour vous donner crédit à nos dépens. Et vous étiez si loin de vous attendre à une rébellion réelle des esclaves, que ce sont les intrigues de votre assemblée qui ont stimulé dès 1789 cette fameuse et ridicule révolte des 3000 Noirs sur le morne du Cap, révolte où il n'y a eu qu'un volontaire national de tuer, encore l'a-t-il été par ses propres camarades. « Je vous répète, reprit le provincial, que nous voyons plus clair que vous. Cela est simple. Nous restions ici pour observer les affaires de la colonie, tandis que votre assemblée, en masse, allait en France se faire décerner cette ovation risible qui s'est terminée par les réprimandes de la représentation nationale. Ridiculousmus. Le membre de l'assemblée coloniale répondit avec un dédain amer. Nos concitoyens nous ont réélus à l'unanimité. C'est vous, répliqua l'autre. Ce sont vos exagérations qui ont fait promener la tête de ce malheureux qui s'était montré sans cocarde tricolore dans un café et qui ont fait pendre le mulâtre Lacombe pour une pétition qui commençait par ces mots inusités « Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ». Cela est faux, s'écria le membre de l'Assemblée générale. C'est la lutte des principes et celle des privilèges, des bossus et des crochus. Je l'ai toujours pensé, monsieur, vous êtes un indépendant. À ce reproche du membre de l'Assemblée provinciale, son adversaire reprit d'un air de triomphe. C'est confesser que vous êtes un pompon blanc. Je vous laisse sous le poids d'un pareil aveu. La querelle eût peut-être été poussée plus loin si le gouverneur ne fût intervenu. « Eh, messieurs, en quoi cela a-t-il trait au danger imminent qui nous menace? Conseillez-moi et ne vous injuriez pas. Voici les rapports qui me sont parvenus. La révolte a commencé cette nuit à 10 heures du soir parmi les nègres de l'habitation Turpin. Les esclaves commandés par un nègre anglais nommé Bookman ont entraîné les ateliers des habitations Clément, Trémès, Flaville et Noé. Ils ont incendié toutes les plantations et massacré les colons avec des cruautés inouïes. Je vous en ferai comprendre toute l'horreur par un seul détail. Leur étendard est le corps d'un enfant porté au bout d'une pique. Un frémissement interrompit monsieur de Blanchelande. « Voilà ce qui se passe au dehors, » poursuivit-il. « Au dedans, tout est bouleversé. Plusieurs habitants du Cap ont tué leurs esclaves. La peur les a rendus cruels. Les plus doux ou les plus braves se sont bornés à les enfermer sous bonne clé. Les petits blancs, blancs non propriétaires, exerçant dans la colonie une industrie quelconque, accusent de ces désastres les sans-mêlés libres. Plusieurs mulâtres ont failli être victimes de la fureur populaire. Je leur ai fait donner pour asile une église gardée par un bataillon. Maintenant, pour prouver qu'ils ne sont point d'intelligence avec les Noirs révoltés, les sans-mêlés me font demander un poste à défendre et des armes. N'en faites rien !» cria une voix que je reconnus. C'était celle du planteur soupçonné d'être sans mêlée, avec qui j'avais eu un duel. « N'en faites rien, monsieur le gouverneur ! Ne donnez point d'armes aux mulâtres !»« Vous ne voulez donc point vous battre ?» dit brusquement un colon. L'autre ne parut point entendre et continua. « Les sans-mêlés sont nos pires ennemis. Eux seuls sont à craindre pour nous. Je conviens qu'on ne pouvait s'attendre qu'à une révolte de leur part et non de celle des esclaves. Est-ce que les esclaves sont quelque chose ?» Le pauvre homme espérait par ses invectives contre les mulâtres s'en séparer tout à fait et détruire dans l'esprit des blancs qui l'écoutaient l'opinion qui le rejetait dans cette caste méprisée. Il y avait trop de lâcheté dans cette combinaison pour qu'elle réussît. Un murmure de désapprobation le lui fit sentir. « Oui, monsieur, » dit le vieux maréchal de camp de Rouvray, « oui, les esclaves sont quelque chose. Ils sont 40 contre 3, et nous serions à plaindre si nous n'avions à opposer aux nègres et aux mulâtres que des blancs comme vous. » Le colon se mordit les lèvres. « Monsieur le général, » reprit le gouverneur, « que pensez-vous donc de la pétition des mulâtres ?»« Donnez-leur les armes, monsieur le gouverneur, » répondit monsieur de Rouvray. « Faisons voile de toute étoffe !» Et se tournant vers le colon suspect, « Entendez-vous, monsieur ? Allez vous armer !» Le colon humilié sortit avec tous les signes d'une rage concentrée. Cependant, la clameur d'angoisse qui éclatait dans toute la ville se faisait entendre de moment en moment jusque chez le gouverneur et rappelait aux membres de cette conférence le sujet qui les rassemblait. Monsieur de Blanchelande remit à un aide-de-camp un ordre au crayon écrit à la hâte et rompit le silence sombre avec lequel l'assemblée écoutait cette effrayante rumeur. « Les sans-mêlés vont être armés, messieurs, mais il reste bien d'autres mesures à prendre. »« Il faut convoquer l'assemblée provinciale, » dit le membre de cette assemblée qui avait parlé au moment où j'étais entré. « L'assemblée provinciale !» reprit son antagoniste de l'assemblée coloniale. « Qu'est-ce que c'est que l'assemblée provinciale ?»« Parce que vous êtes membre de l'assemblée coloniale !» répliqua le pompon blanc. L'indépendant l'interrompit. « Je ne connais pas plus la coloniale que la provinciale. Il n'y a que l'Assemblée générale, entendez-vous, monsieur ?»« Eh bien, » repartit le pompon blanc, « je vous dirai, moi, qu'il n'y a que l'Assemblée nationale de Paris. »« Convoquer l'Assemblée provinciale ?» répétait l'indépendant en riant. « Comme si elle n'était pas dissoute au moment où la générale a décidé qu'elle tiendrait ses séances ici. » Une réclamation universelle éclatait dans l'auditoire, ennuyée de cette discussion oiseuse. « Messieurs nos députés !» criait un entrepreneur de culture, « pendant que vous vous occupez de ces balivernes, que deviennent mes cotonniers et ma cochenille ?»« Émettent 400 000 plants d'indigo au limbé, » ajoutait un planteur. « Et mes nègres, payés $30 par tête l'un dans l'autre, » disait un capitaine de négrier. « Chaque minute que vous perdez, » poursuivait un autre colon, « me coûte, montre et tarif en main, 10 quintaux de sucre, ce qui, à 17 piastres fortes le quintal, fait 170 piastres, ou 930 livres 10 sous, monnaie de France. La coloniale, que vous appelez générale, usurpe, » reprenait l'autre disputeur, dominant le tumulte à force de voix. « Qu'elle reste au port au prince à fabriquer des décrets pour 2 lieues de terrain et 2 jours de durée, mais qu'elle nous laisse tranquille ici. Le cap appartient au Congrès provincial du Nord, à lui seul. « Je prétends, » reprenait l'indépendant, « que son Excellence, monsieur le gouverneur, n'a pas droit de convoquer une autre assemblée que l'Assemblée générale des représentants de la colonie, présidée par monsieur de Caduche. « Mais où est-il, votre président, monsieur de Caduche ?» demanda le pompon blanc. « Où est votre assemblée ? Il n'y en a pas encore 4 membres d'arrivée. tandis que la provinciale est tout ici. Est-ce que vous voudriez par hasard représenter à vous seul une assemblée, toute une colonie ? Cette rivalité des deux députés, fidèles échos de leurs assemblées respectives, exigea encore une fois l'intervention du gouverneur. « Messieurs, où voulez-vous donc enfin en venir avec vos éternelles assemblées provinciales, générales, coloniales, nationales ? Aiderez-vous aux décisions de cette assemblée en lui en faisant invoquer 3 ou 4 autres ?»« Morbleu !» criait d'une voix de tonnerre le général de Rouvray en frappant violemment sur la table du conseil. « Quel maudit bavard ! J'aimerais mieux lutter de poumon avec une pièce de 80. Que nous font ces deux assemblées qui se disputent le pas comme deux compagnies de grenadiers qui vont monter à l'assaut ? Eh bien, convoquez-les toutes deux, monsieur le gouverneur. J'en ferai 2 régiments pour marcher contre les Noirs, et nous verrons si leurs fusils feront autant de bruit que leur langue. » Après cette vigoureuse sortie, il se pencha vers son voisin, c'était moi, et dit à demi-voix, « Que voulez-vous que fasse entre les deux assemblées de Saint-Domingue, qui se prétendent souveraines, un gouverneur de par le roi de France ? Ce sont les beaux parleurs et les avocats qui gâtent tout, ici comme dans la métropole. Si j'avais l'honneur d'être monsieur le lieutenant général pour le roi, je jetterais toute cette canaille à la porte. Je dirais « Le roi règne et moi je gouverne ». J'enverrai la responsabilité par devant les soi-disant représentants à tous les diables. Et, avec 12 croix de Saint-Louis promises au nom de Sa Majesté, je balayerai tous les rebelles de l'île de la Tortue qui a été habitée autrefois par des brigands comme eux, les boucaniers. Souvenez-vous de ce que je vous dis, jeune homme. Les philosophes ont enfanté les philanthropes qui ont procréé les négrophiles, qui produisent les mangeurs de blancs, ainsi nommés en attendant qu'on leur trouve un nom grec ou latin. Ces prétendues idées libérales dont on s'enivre en France sont un poison sous les tropiques. Il fallait traiter les nègres avec douceur, non les appeler à un affranchissement subi. Toutes les horreurs que vous voyez aujourd'hui à Saint-Domingue sont nées au club Massiac, et l'insurrection des esclaves n'est qu'un contre-coup de la chute de la Bastille. Pendant que le vieux soldat m'exposait ainsi sa politique étroite, mais pleine de franchise et de conviction, l'orageuse discussion continuait. Un colon, du petit nombre de ceux qui partageaient la frénésie révolutionnaire, qui se faisait appeler le citoyen général C, pour avoir présidé à quelques sanglantes exécutions, s'était écrié « Il faut plutôt des supplices que des combats. Les nations veulent des exemples terribles. Épouvantons les Noirs. C'est moi qui ai apaisé les révoltes de juin et de juillet en faisant planter 50 têtes d'esclaves des deux côtés de l'avenue de mon habitation, en guise de palmiers. Que chacun se cotise pour la proposition que je vais faire. Défendons les approches du Cap avec les nègres qui nous restent encore. » « Comment ? Quelle imprudence ! » répondit-on de toutes parts. « Vous ne comprenez pas, messieurs, » reprit le citoyen général. « Faisons un cordon de têtes de nègres qui entoure la ville, du fort Picolé à la pointe de Caracol. Leurs camarades insurgés n'oseront approcher. Il faut se sacrifier pour la cause commune dans un semblable moment. Je me dévoue le premier. J'ai 500 esclaves non révoltés. Je les offre. » Un mouvement d'horreur accueillit cette exécrable proposition. « C'est abominable ! C'est horrible ! » s'écrièrent toutes les voix. « Ce sont des mesures de ce genre qui ont tout perdu, » dit un colon. Si on ne s'était pas tant pressé d'exécuter les derniers révoltés de juin, de juillet et d'août, on aurait pu saisir le fil de leur conspiration que la hache du bourreau a coupé. Le citoyen C garda un moment le silence du dépit, puis il murmura entre ses dents. « Je croyais pourtant ne pas être suspect. Je suis lié avec des négrophiles. Je corresponds avec Brissot et Pruneau de Pomme-Gouge en France, Hans Sloane en Angleterre, Magot en Amérique, Petzl en Allemagne, Olivarius en Danemark, Wattstrom en Suède, Peter Paulus en Hollande, Avendano en Espagne et l'abbé Pierre Tamburini en Italie. Sa voix s'élevait à mesure qu'il avançait dans sa nomenclature de négrophile. Il termina enfin en disant « Mais il n'y a point ici de philosophe. » Monsieur de Blanchelande, pour la troisième fois, demanda à recueillir les conseils de chacun. « Monsieur le gouverneur, » dit une voix, « voici mon avis. Embarquons-nous tous sur le léopard qui est mouillé dans la rade. » « Mettons à prix la tête de Boukman, » dit un autre. « Informons de tout ceci le gouverneur de la Jamaïque, » dit un troisième. « Oui, pour qu'il nous envoie encore une fois le secours dérisoire de 500 fusils, » reprit un député de l'Assemblée provinciale. « Monsieur le gouverneur, envoyez un aviso en France et attendons. »« à attendre !» interrompit Monsieur de Rouvray avec force. « Et les Noirs attendront-ils ? Et la flamme qui circonscrit déjà cette ville attendra-t-elle? Monsieur de Touzard, faites battre la générale, prenez du canon et allez trouver le gros des rebelles avec vos grenadiers et vos chasseurs. Monsieur le gouverneur, faites faire des camps dans les paroisses de l'Est, établissez des postes aux trous et à Vallières. Je me charge, moi, des plaines du fort Dauphin, j'y dirigerai les travaux. Mon grand-père, qui était maître de camp du régiment de Normandie, a servi sous monsieur le maréchal de Vauban. J'ai étudié Follard et Bezout, et j'ai quelques pratiques de la défense d'un pays. D'ailleurs, les plaines du fort Dauphin, presque enveloppées par la mer et les frontières espagnoles, ont la forme d'une presqu'île et se protégeront en quelque sorte d'elles-mêmes. La presqu'île du Môle offre un semblable avantage. Usons de tout cela et agissons !» Le langage énergique et positif du vétéran fit taire subitement toutes les discordances de voix et d'opinion. Le général était dans le vrai. Cette conscience que chacun a de son intérêt véritable rallia tous les avis à celui de Monsieur de Rouvray. Et tandis que le gouverneur, par un serment de main reconnaissant, témoignait au brave officier général qu'il sentait la valeur de ses conseils, bien qu'ils fussent énoncés comme des ordres et l'importance de son secours, tous les colons réclamaient la prompte exécution des mesures indiquées. Les deux députés des assemblées rivales, seuls, semblaient se séparer de l'adhésion générale, et murmuraient dans leur coin les mots d'empiètement du pouvoir exécutif, de décision hâtive et de responsabilité. Je saisis ce moment pour obtenir de Monsieur de Blanchelande les ordres que je sollicitais impatiemment, et je sortis afin de rallier ma troupe et de reprendre sur le champ le chemin de la Cule, malgré la fatigue que tous sentaient, excepté moi.